En Corée du Sud, un professeur de la faculté de jurisprudence de l'université de Séoul et un ancien parlementaire du Grand Parti National ont critiqué le 30 novembre Park Geun-hye, qui rejette la responsabilité des scandales dans son entretien adressé à la population. Par ailleurs, selon le journal d'internet sud-coréen iDaily, un ancien député du Parti pour un nouveau monde a présenté le 30 novembre sur le site d'internet un article stigmatisant Park Geun-hye comme psychosé typique.